Jeanne par Armand Sylvestre. C'était au bourg de Piloël, un des plus sauvages de la côte de Bretagne, presque farouche dans son encadrement de hautes roches violettes, dont les crêtes déchiquetées s'ensanglantent au soleil couchant, avec la mer à ses pieds, tour à tour rampante comme une bête domptée, ou furieuse et poussant ses baffes sonores jusqu'au seuil des maisons. Par derrière, un paysage abrité et souriant, avec des fleurs en toute saison, comme dans les serres, un cirque ensoleillé où les camélias poussent en plein vent. En ce temps-là, Piloël était un coin ignoré des touristes, et quelques peintres seulement y étaient venus prendre des motifs, se gardant bien d'ailleurs d'attirer dans ce lieu délicieusement désert pour les artistes l'importune colonie des élégants et des curieux. 50 maisons au plus, toutes habitées par des pêcheurs à l'ombre d'une église en ruine, dont la cloche fêlée faisait peur même aux mouettes. Rien que des femmes, en semaine, s'agitant entre ces masures avec des enfants pendus à leur côté. Tous les hommes étaient à la pêche. Mais le dimanche, les longs filets rayaient la blancheur douteuse des murs, portant à leurs mailles des paillettes d'argent qui brillaient à la lumière. Et c'était un monde de pauvres gens, mais résignés et pieux, ignorant des rêves malsains où se complaît le peuple des villes, ayant la foi et le courage. D'aucuns peuvent se moquer de cela. Moi, je pense que c'est tout ce qu'il faut pour vivre. Il naît en France, au bord de l'océan surtout, si humble village qui naissa perle de beauté. Ce n'était pas mentir que d'appeler ainsi Jeanne, la plus jolie fille de Piloël. Son beau teint de vierge avait en effet les blancheurs nacrées de la perle, et tout disait en elle cette origine qui, dans la fable grecque, donne la vague pour berceau à la beauté. Tout en elle évoquait en effet l'image de la mère natale, dont la clameur avait bercé ses premiers sommeils. La profondeur mystérieuse et attirante de son regard et la transparence de sa prunelle. Le flot lourd et tumultueux au moindre souffle de sa belle chevelure dorée. Ses lèvres qui semblaient faites du plus fin corail. Le rythme caressant de sa ferme poitrine où semblait battre l'haleine d'un reflux. Enfin, et par-dessus tout, je ne sais quelle grâce nonchalante de toute sa personne qui la faisait pareille à une vague ondulante dans sa belle robe bleue lamée d'argent. Il n'était pas jusqu'à son oreille mignonne qui n'évoqua la vision d'une de ces jolies coquilles roses aux volutes intérieures, luisantes et harmonieuses. Les plus humbles vêtements, car elle était une des plus pauvres du bourg, ne dissimulaient en elle rien de la race. Ses pieds, d'un dessin superbe dans leur nudité saignante quelquefois, ses petites mains que le travail avait souvent déchirées, en émergeait comme les signes d'une indomptable aristocratie. Tout son être, d'ailleurs, respirait une fierté où se pouvait deviner la conscience obscure de ses charmes. Sage et modeste, elle l'était plus qu'aucune autre, mais comme toutes les autres aussi, elle avait son secret d'amour au cœur. Elle avait 16 ans, et celui qu'elle aimait avait 4 ans de plus qu'elle. Un beau gars aussi, et qui, également, sentait couler un noble sang dans ses veines. Quelque chose de recueilli était dans ses moindres gestes, et une mélancolie hautaine donnait une impression très particulière à sa physionomie. Habile dans son métier, et courageux plus qu'aucun autre, rêveur avec cela, et ne se mêlant guère aux jeux dominicaux sur la petite place de l'église, mais bien plus tôt, à l'heure où Jeanne écoutait vêpres, chantant elle-même les versets, rentrant pour la contempler au pied d'un pilier, dans l'ombre où tremblotait à peine le reflet jaune des cierges de l'autel, ou s'en allant sur le rivage pensait à elle, la musique lointaine des flots semblant porter vers les horizons la frêle barque de ses espérances. Qu'est-ce qui séparait donc ces deux êtres si bien faits pour unir leur existence laborieuse et résignée? La misère qui leur était commune. Tous deux étaient orphelins, en effet, et tout enfant, Loïc avait dû servir sur les bateaux, n'ayant gagné qu'un peu plus tard de quoi en acheter à lui-même, et quel bateau! Le plus vieux et le plus maltraité par la mère de la petite flotte. Quant à Jeanne, c'était la vieille tante Mathurine qui l'avait élevée, avec infiniment de tendresse, mais aussi en se promettant bien de ne laisser épouser qu'un homme qui assurerait l'aisance à sa propre vieillesse, car il y a toujours un fond d'égoïsme dans nos dévouements. Cet homme, elle l'avait choisi sans en rien dire, c'était Mathias le pilote, le plus considéré d'ailleurs de tout le bourg par ses compagnons ordinaires de pêche. Un rude homme, en effet, avec son visage hâlé, ses mains de bronze, plein de verdeur encore malgré ses 50 ans, ayant vu souvent la mort en face, lui ayant arraché bien des victimes, ayant fait quelques fortunes d'ailleurs et se sentant assez à l'aise pour abandonner enfin son périlleux métier. Il avait vu Jeanne tout enfant, l'avait fait autrefois danser sur ses deux genoux, l'avait regardé grandir avec une croissante et affectueuse sollicitude, et la vieille Mathurine, qui avait la madrerie naturelle aux paysans de la mer comme aux autres, avait deviné que le pilote était amoureux de cette fleur de grâce lentement épanouie sous ses yeux. Mais Mathias n'était pas un fou, et lorsqu'il songeait à son âge, il riait de lui-même et redevenait paternel avec la jeune fille qui n'avait rien deviné, l'innocente, du combat où se déchirait cette âme, cependant solide, de vieux marin. Elle était toujours, elle, la même avec lui, naïvement et parfois cruellement charmante, l'admirant, mais à la façon dont on vénère les patriarches, et promenant ses jolis doigts fuselés dans les premières boucles grises de la chevelure inculte du muet soupirant. Elle était toute à sa tendresse pour Loïc, et sachant que sa tante s'opposerait à son mariage avec lui, elle avait résolu de demeurer fille plutôt que d'être la femme d'un autre. Elle le lui avait juré, un soir qu'il se désespérait, tous deux s'étaient rencontrés comme par hasard sur la falaise, sous un beau rayon de lune se brisant sur la mer dans un éclaboussement d'or. À une de ces heures mystérieuses douces aux amants, où leur cœur semble s'ouvrir plus grand aux confidences solennelles, où leurs âmes se noient délicieusement dans le même concert d'abandon et de sincérité, elle lui avait même mis au doigt un anneau, en souvenir de sa promesse, un pauvre anneau de cuivre, mais que Monseigneur l'évêque avait béni à la dernière confirmation. « Je suis devant Dieu ta fiancée, » lui avait-elle dit d'une voix où vibrait tout son être, « et la mort seule pourra séparer ma pensée de la tienne. » Et tous deux avaient pleuré, l'âcre saveur des larmes qui leur coulaient au bord des lèvres, se mêlant aux salines effluves qui montaient de la vague et des algues roulées. Et lui aussi avait cueilli une fleur sauvage un peu plus loin, dans la lande qu'une haute nappe de granit rugueux interrompait, et l'avait donnée à la jeune fille qui, entre deux feuillets de son méchant livre d'or, l'avait posée tout près d'une image de la Vierge portant cette épigraphe « Ave Maristella ». Et les regards mouillés de Jeanne s'étaient élevés vers une étoile dont un pleur de pitié semblait aussi faire trembler la paupière d'or au rayon pareil à de longs cils. Tous deux étaient sortis brisés de cette idylle, mais confiants l'un dans l'autre à jamais, n'attendant rien des hommes, mais tout de quelque merveilleuse et céleste intervention, laquelle ne permettrait pas que l'avenir entrevu par une commune tendresse fût à jamais brisé et qu'un tel rêve demeura l'éternel désespoir de leur vie. Et l'existence avait repris pour eux, après ce suprême entretien, avec ses monotonies et ses souffrances. Loïc hasardant ses jours sans relâche sur son mauvais bateau pour apporter un maigre butin, et Jeanne réparant les filets des pêcheurs veufs ou célibataires pour quelques menues pièces d'argent que la tante Mathurine faisait sonner au flanc bien vide encore d'une tirelire.